dans Judas, son nom est grand en Israël. Il a établi sa demeure en Sion et sa résidence à Jérusalem. Tu es plus magnifique que les